Unité 1. Semaine 1 et 2. Présentez les membres de sa famille. Zeynep et Kamel, deux camarades de classe, se rencontrent dans le jardin. Zeynep lui présente sa famille. Kamel. Bonjour Zeynep. Zeynep. Bonjour Kamel. Je te présente maman et papa. Kamel. C'est qui cette fille? Zeynep. C'est ma sœur Sana. Kamel. Et ce garçon? Zeynep. C'est mon frère Youssef.